On va parler avec notre collaborateur de la Ligue canadienne, Pascal Masson. On s'est parlé mercredi, la nouvelle venait juste de tomber, mais là, maintenant, il s'est dit des choses, il s'est raconté des choses. J'ai parlé à Larry Smith ce matin pour savoir un peu comment qu'il a géré tout ça et comment qu'il analyse tout ce qui se passe chez les Alouettes depuis 48 heures. On reparle avec Pascal Masson. Salut, Pascal. Salut, Dan. Pascal, évidemment, tu devais participer à l'entrevue avec moi, avec Larry Smith, mais pour des obligations familiales. T'as pas été en mesure, on comprend tout ça, c'est tout à fait normal. Sauf que je vais te raconter ce que Larry a dit ce matin, puis je pense que c'est sûr c'est un politicien, donc il a l'air de bien se sauver avec des questions, mais j'ai posé des questions crunchy sur si Larry Smith serait nommé pour une troisième fois président des Alouettes de Montréal, et il aurait la mission de remettre ça sur les rails, c'est quoi sa première tâche? Puis Larry n'a pas voulu se mouiller, sauf que j'ai été capable de savoir ce serait son plan. Son plan, lui, il dit qu'une bonne gestion, ça commence par le propriétaire, le président qui doit nommer son directeur général, le directeur général qui doit nommer son entraîneur-chef, l'entraîneur-chef qui nomme ses coordonnateurs. C'est évident, ça n'a pas été ça qui a été fait. Là. Non, exactement. Exactement. Puis ça a été fait à l'envers, un peu tout croche. Puis c'est sûr que si les responsables de chaque dossier nomment pas leur équipe, leur personnel. Tu peux, quand ça commence à mal aller, c'est sûr que tu commences à pointer du doigt. Tu sais, je vous l'avais dit, c'est pas lui que je voulais. Hey, c'est pas comme ça, je voulais que ça fonctionne. C'est sûr. Puis, on en avait parlé justement, la dernière fois qu'on s'est parlé cette semaine ensemble, suite à l'annonce. Et on était tous d'accord pour dire que c'est beau, on a mis dehors Jacques Chapdelaine, mais ultimement, la personne à blâmer, ben, ça part au niveau du propriétaire. Effectivement, c'est ça qui est... Mais là, écoute, on a entendu un paquet d'affaires, il y a eu des choses, on dit qu'il y avait un conflit de personnalité, donc de toute évidence, ça ressemble pas mal à ça, là. Jacques Chapdelaine a été imposé. Rappelle-toi l'an passé, Jacques Chapdelaine, premier entraîneur québécois, remplace Jim Pop, l'équipe monte des signes encourageants. Si tu nommes pas Jim Pop, si tu renommes pas Jacques Chapdelaine et t'amènes un entraîneur anglophone, comment tu penses que ça a été vu? Ben, c'est certainement, ça n'aurait pas été une nouvelle accueillie positivement par le fan, ouais. À moins que ça avait été Mark Chessman, je pense que là, ou Danny Machocha. Ou Danny Machocha, exactement. C'est sûr que ça aussi, ça aurait été probablement accueilli de belle façon. Donc, on se retrouvait un peu dans une situation d'obligation au niveau des Alouettes. Mais c'est ce que les bons propriétaires vont faire, c'est prendre des décisions pas pour plaire seulement à la population, ouais, mais pour donner les meilleures cartes à son GM pour gagner des matchs. Puis là, ben clairement, après coup, on peut dire que ça n'a pas été fait, c'était pas la bonne décision. Ouais, clair. Et là, je vois, c'est pas bien parti non plus sur le ring Kevis Reid, parce que ce qu'on apprend, c'est que Calvio est nommé comme coordonnateur à l'attaque, sauf que c'est pas lui qui va être coordonnateur à l'attaque à 100%. C'est pas bien parti, là. Je sais pas si... Ouais, encore une fois, on n'a pas ce qu'il faut en ce moment pour gérer une équipe au complet, donc on essaie de séparer les tâches, d'enlever de la pression sur du monde, sinon, t'as raison, c'est pas bien parti, puis c'est pas de bon augure, là. Non, effectivement. C'est comme si on avait lancé la serviette en ce moment, on dirait, on aimerait ça, là, avoir la manette, là, du film Click, là, puis de fast-forwarder ça jusqu'à la prochaine saison, là. Ah, c'est clair, c'est très, très clair. Comment tu vois la suite des choses? Comment tu vois le match de dimanche contre Ottawa qui se replace depuis quelques semaines? Ce ne sera pas nécessairement facile, là. Est-ce que tu penses que tu étais joueur, Pascal? Tu sais que normalement, ça arrive souvent que lorsque tu changes d'entraîneur, il y a une bouée quand même un renouveau d'énergie pendant un match, deux matchs, trois matchs, mais par après, ça revient. Comment tu vois le match de dimanche? Écoute, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer dimanche qui va effacer ou réparer tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison et encore plus dans la dernière semaine. Je pense que ce qui peut... là, on tombe dans un classique de la CFL où les joueurs vont jouer pour leur job. Donc là, on commence à passer des entrevues pour l'année prochaine ou pour laisser notre carte de visite à d'autres équipes. C'est un peu ça qui va se passer. Peut-être qu'il va aussi se passer au